9h03. Alors voilà, sur JFK, il a parfaitement raison. Hein. S'il était resté en vie, on aurait probablement sorti toutes les histoires. On parle beaucoup de Rob Ford ces temps-ci avec le crack, mais John F. Kennedy, dans sa vie personnelle, pendant que Jackie accouchait, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de baiser sa maîtresse. Peux-tu savoir, tu sais, je m'adresse aux femmes, là. Es-tu pire que ça, là? Mm-hmm. Pendant que t'accouches, ton chum est en train d'en baiser une autre. Et pas n'importe qui. Sa maîtresse était la même. Qui était-elle, cette femme-là? C'était aussi la maîtresse de Sam Giancana. Parce qu'il y en avait plusieurs. John F. Kennedy et Sam Giancana. Et ben, qui était Sam Giancana? Le patron de la mafia de Chicago. Ben, la maîtresse la plus célèbre de JFK, c'est Marilyn. Ah, ça, là-dessus, ouais. Ça, il y a ben, il y a beaucoup de rumeurs, mais je pense que oui. On est encore dans le complot, là. Il y en a eu plusieurs, là. Ouais. Les gens mais de la c'est Maison qui, Blanche. La maîtresse dont tu parles, toi? Il n'était pas rare de voir des filles se promener seins nus un peu partout à la Maison Blanche, là. JFK, hey. Oh, ouais. C'était tout un homme à femme. Alors, si on sortait tout, pour les gauchistes, évidemment, JFK est toujours une idole. Malgré ses frasques. Malgré tout ce qu'il a fait, c'est pas grave. Alors, il faut toujours, quand vous analysez un politicien, se demander s'il est à gauche ou à droite. Des fois, j'insiste parce que le traitement est totalement différent. On pardonne tout aux hommes de gauche et aux hommes de droite, on ne pardonne absolument rien. Remarquez, Rob Ford n'est pas un très bel exemple parce qu'il en a fait pas mal. Je suis pas en train de le défendre, mais JFK, si on regarde son dossier de sa vie personnelle, les gauchistes vont vous dire, c'est pas grave. Il a fait beaucoup pour les Noirs, il voulait envoyer moins de soldats au Vietnam, il était moins guerrier, les droits civiques, c'est un bon président. Ce qu'il a fait avec ses maîtresses, avec sa femme, la mafia, son père l'a aidé avec l'aide de la mafia à remporter les préliminaires dans l'Illinois, c'est très bien connu, donc il a triché pour obtenir son poste, c'est pas grave, il est gauchiste, il est de notre bord. Alors, la façon dont les gens ont défendu JFK, honnêtement, et son héritage, Rob Ford peut rester maire de Toronto longtemps. Ma boutique radio.ca, maintenant 7 jours.